Chapitre 119e, la fuite. Nicole était une fille consciencieuse. Elle avait reçu l'argent de M. de Richelieu. Elle l'avait reçu d'avance. Il fallait répondre à cette confiance en le gagnant. Elle avait donc couru droit à la grille, où elle était arrivée à 7h40 au lieu de 7h30. Or, M. de Beaucire, façonné à la discipline militaire, était un homme exact. Il attendait depuis 10 minutes. Depuis 10 minutes aussi, à peu près, M. de Tavernay avait quitté sa fille, et M. de Tavernay, une fois parti, André était resté seul. Or, une fois seul, la jeune fille avait fermé ses rideaux. Gilbert regardait, ou plutôt, selon son habitude, dévorait André de sa mansarde. Seulement, il eût été difficile de dire si les regards qu'il fixait sur la jeune fille étincelaient d'amour ou de haine. Les rideaux tirés, Gilbert n'eut plus rien à voir. En conséquence, il regarda d'un autre côté. En regardant d'un autre côté, il aperçut le plumet de M. de Beaucire et reconnut l'exempt qui se promenait en sifflotant un petit air pour tremper l'ennui de l'attente. Au bout de 10 minutes, c'est-à-dire à 7h40, Nicole parut. Elle échangea quelques mots avec M. de Beaucire, lequel fit un mouvement de tête en signe qu'il comprenait parfaitement, et s'éloigna dans la direction de l'allée creuse qui conduit au petit Trianon. De son côté, Nicole retourna sur ses pas, légère comme un oiseau. « Ah ah !» fit Gilbert. « Monsieur Lexan et mademoiselle la femme de chambre ont quelque chose à dire ou à faire. Pour laquelle chose ils craignent les témoins. Bon. » Gilbert n'était plus curieux au sujet de Nicole. Seulement, sentant dans la jeune fille une ennemie naturelle, il cherchait à réunir contre sa moralité une masse de preuves avec laquelle il put victorieusement repousser l'attaque si Nicole l'attaquait. Gilbert ne doutait pas que la campagne dût s'ouvrir d'un moment à l'autre, et en soldat prévoyant, il amassait des munitions de guerre. Un rendez-vous de Nicole avec un homme, dans Trianon même, c'était une de ces armes qu'un ennemi aussi intelligent que Gilbert ne pouvait négliger de ramasser, surtout quand on avait, comme le faisait Nicole, l'imprudence de la laisser tomber à ses pieds. Gilbert voulut en conséquence recueillir le témoignage des oreilles pour l'ajouter à celui des yeux, et saisir au vol quelques phrases bien compromettantes qu'il put victorieusement braquer sur la jeune fille au moment du combat. Il descendit donc prestement de sa mansarde, prit le couloir des cuisines et gagna le jardin par le petit escalier de la chapelle. Une fois dans le jardin, Gilbert n'avait plus rien à craindre. Il en connaissait tous les retraits, comme un renard connaît son fourré. Il se glissa donc sous les tilleuls, puis le long de l'espalier, puis atteignit un massif qui s'élevait à 20 pas de l'endroit où il comptait retrouver Nicole. Nicole y était en effet. À peine Gilbert était-il installé dans son massif qu'un bruit étrange parvint à son oreille. C'était le bruit de l'or sur la pierre, c'était ce retentissement métallique dont rien, sinon la réalité, ne peut donner une idée juste. Gilbert se glissa comme un serpent jusqu'au mur en terrasse surmonté d'une haie de lilas, laquelle, au mois de mai, répandait son parfum et secouait ses fleurs sur les passants qui plongeaient le mur de cette allée creuse qui sépare le grand Trianon du petit. Arrivé à ce point, les regards de Gilbert, habitués à l'obscurité, virent Nicole qui vidait sur une pierre en deçà de la grille et prudemment placée hors de la portée de la main de M. de Beaucire la bourse donnée par M. de Richelieu. Les gros louis en ruisselaient bondissants et reluisants, tandis que M. de Beaucire, l'œil allumé et la main tremblante, regardait attentivement Nicole et les louis sans comprendre comment l'une possédait les autres. Nicole parla. « Plus d'une fois, vous m'avez proposé de m'enlever, mon cher M. de Beaucire. »« Et de vous épouser même, » s'écria l'exempt tout enthousiasmé. « Oh, quant à ce dernier point, mon cher monsieur, » dit la jeune fille, « nous le discuterons plus tard. Pour le moment, fuir est le principal. » Pouvons-nous fuir dans 2 heures? Dans 10 minutes, si vous voulez. Non pas. J'ai quelque chose à faire auparavant, et ce que j'ai à faire demande 2 heures. Dans 2 heures, comme dans 10 minutes, je suis à vos ordres, tendre ami. Bien, prenez 50 louis. La jeune fille compta 50 louis et les passa par la grille à M. de Beaucire, lequel, sans les compter, lui, les engouffra dans la poche de sa veste. Et dans 1 heure et demie, continua-t-elle, soyez ici avec un carrosse. « Mais, objecta Beaucire, oh, si vous ne voulez pas, prenons que rien n'est convenu entre nous et rendez-moi mes 50 louis. »« Je ne recule pas, chère Nicole, seulement je crains l'avenir. » Pour qui? Pour vous? Pour moi? Oui. Les 50 louis disparus, et ils finiront par disparaître. Vous allez vous trouver à plaindre. Vous allez regretter Trianon. Vous allez... Oh, comme vous êtes délicat, cher monsieur de Beausire. Allons, allons, ne craignez rien. Je ne suis pas de ces femmes que l'on rend malheureuse, moi. N'ayez donc pas de scrupules. D'ailleurs, après ces 50 louis, nous verrons. Et Nicole fit sonner les 50 autres restés dans la bourse. Les yeux de Beausire étaient phosphorescents. Pour vous, dit-il, je me jetterai dans un four brûlant. Oh là là, on ne vous en demande pas tant, monsieur de Beausire. Ainsi, c'est convenu, dans 1 h 30 le carrosse, dans 2 heures la fuite. C'est convenu, s'écria Beausire en saisissant la main de Nicole et en l'attirant pour la baiser à travers la grille. Silence donc, dit Nicole, êtes-vous fou? Non, je suis amoureux. Fit Nicole. Vous ne me croyez pas, cher cœur. Si, fait, je vous crois, ayez de bons chevaux surtout. Oh oui. Ils se séparèrent. Mais au bout d'une seconde, Beausire se retourna tout effaré. Psst, psst. Eh bien quoi? Demanda Nicole d'assez loin déjà, et voilant sa bouche avec sa main, afin de faire porter sans explosion sa voix à la distance voulue. Et la grille? Demanda Beausire, vous passerez donc par-dessus? Il est stupide, murmura Nicole, qui en ce moment n'était qu'à 10 pas de Gilbert. Puis plus haut, j'ai la clé, dit-elle. Beausire poussa un « Ah !» plein d'admiration et s'enfuit pour tout de bon cette fois. Nicole s'en revint, tête baissée et jambes alertes, près de sa maîtresse. Gilbert, demeuré seul, se posa les 4 questions suivantes. Pourquoi Nicole s'enfuit-elle avec Beausire qu'elle n'aime pas? Pourquoi Nicole a-t-elle en sa possession une si forte somme d'argent? Pourquoi Nicole a-t-elle la clé de la grille? Pourquoi Nicole, pouvant fuir tout de suite, retourne-t-elle auprès d'André? Gilbert trouvait bien une réponse à cette question. Pourquoi Nicole a-t-elle de l'argent? Mais il n'en trouvait pas aux autres. Aussi, à cette négation de sa perspicacité, sa curiosité naturelle ou sa défiance acquise, comme on voudra, fut-elle si puissamment surexcitée qu'il décida de passer, si froide qu'elle fût, la nuit en plein air, sous les arbres humides, pour attendre le dénouement de cette scène dont il venait de voir le commencement. André avait reconduit son père jusqu'aux barrières du Grand Trianon. Elle revenait, seule et pensive, quand Nicole déboucha, toute courante, de l'allée qui conduisait à la fameuse grille où elle venait de prendre toutes ses mesures avec monsieur de Beausire. Nicole s'arrêta en apercevant sa maîtresse, et sur un signe que lui fit André, elle monta derrière elle et la suivit vers sa chambre. Il pouvait en ce moment être 8 h 30 du soir. La nuit était venue plus prompte et plus épaisse que d'habitude, parce que qu'un grand nuage noir courant du sud au nord avait envahi tout le ciel, de sorte qu'au-delà de Versailles, par-dessus les grands bois, aussi loin que la vue pouvait s'étendre, on voyait le lugubre linceul envelopper peu à peu toutes les étoiles étincelantes un instant auparavant sur leur coupole d'azur. Un petit vent lourd et bas rasait le sol, envoyant des bouffées ardentes aux fleurs altérées, qui courbaient la tête comme pour implorer du ciel l'aumône de la pluie ou de la rosée. Cette menace de l'atmosphère n'avait aucunement accéléré la marche d'André. Au contraire, la jeune fille, triste et profondément rêveuse, mettait comme à regret le pied sur chaque marche de l'escalier qui conduisait à sa chambre, et elle s'arrêtait à chaque fenêtre pour regarder le ciel si bien en harmonie avec sa tristesse et retarder ainsi sa rentrée dans le petit appartement. Nicole impatiente, Nicole dépitée, Nicole qui craignait que quelque fantaisie de sa maîtresse ne la conduisât au-delà de l'heure, grommelait tout bas ces sortes d'imprécations que les valets n'épargnent jamais aux maîtres assez imprudents pour se permettre de satisfaire un caprice aux dépens des caprices de leur balai. Enfin, André poussa la porte de sa chambre et, tombant plutôt qu'elle ne s'assise sur un fauteuil, commanda doucement à Nicole d'entrebâiller la fenêtre qui donnait sur la cour. Nicole obéit. Puis revenant à sa maîtresse, avec cet air d'intérêt que la flatteuse savait si bien prendre, « J'ai peur que mademoiselle ne soit un peu malade ce soir, dit-elle. Mademoiselle a les yeux rouges et gonflés, brillants néanmoins. Je crois que mademoiselle aurait grand besoin de repos. Tu crois, Nicole ? Dit André qui n'avait pas écouté. Et elle étendit nonchalamment les pieds sur un carreau de tapisserie. Nicole accepta cette pose pour un ordre de déshabiller sa maîtresse et se mit à détacher les rubans et les fleurs de sa coiffure, espèce d'édifice que la démolisseuse la plus habile ne jetait point bas avant un bon quart d'heure. André, pendant tout ce travail, ne souffla point un seul mot. Nicole, laissée à son libre arbitre, hacha, comme on dit, la besogne, et sans faire crier André, tant sa préoccupation était grande, lui tira tout à son aise les cheveux. La toilette de nuit terminée, André donna ses ordres pour le lendemain. Il s'agissait d'aller dès le matin à Versailles chercher quelques livres que Philippe devait avoir fait transporter pour sa sœur. Il y avait, en outre, à prévenir l'accordeur de se rendre à Trianon pour mettre le clavecin en état. Nicole répondit tranquillement que, si on ne la réveillait point dans la nuit, elle se lèverait de bonne heure et qu'avant le réveil de mademoiselle, toutes les commissions seraient faites. « Demain aussi, j'écrirai. » continua André, se parlant à elle-même. « Oui, j'écrirai à Philippe. Cela m'allégera un peu. » « En tout cas, se dit Nicole tout bas, ce n'est pas moi qui porterai la lettre. » Et à cette réflexion, la jeune fille, qui n'était pas encore perdue tout à fait, se prit à penser tristement qu'elle allait pour la première fois quitter cette excellente maîtresse, près de laquelle s'était éveillé son esprit et son cœur. Chez elle, le souvenir d'André se liait à tant de souvenirs que froissé celui-là, c'était secouer toute la chaîne qui remontait de ce jour au premier jour de son enfance. Tandis que ces deux enfants, si différents de conditions et de caractère, pensaient ainsi à côté l'un de l'autre, sans qu'il y eût aucune connexion dans leurs idées. Le temps fuyait, et la petite horloge d'André, toujours en avance sur celle de Trianon, sonnait 9 heures. Beaucire devait être au rendez-vous, et Nicole n'avait plus qu'une demi-heure pour aller rejoindre son amant. Elle acheva de déshabiller sa maîtresse aussi promptement qu'elle put, non sans laisser échapper quelques soupirs auxquels André ne fit même pas attention. Elle lui passa un long peignoir de nuit, et comme André, toujours absorbé, demeurait immobile et les yeux perdus au plafond, Nicole tira de sa poitrine le flacon de Richelieu, jeta 2 morceaux de sucre dans un verre avec l'eau nécessaire pour le faire fondre, puis, sans hésitation et par la toute-puissance de cette volonté déjà si forte dans ce cœur si jeune encore, elle versa 2 gouttes de liqueur du flacon dans cette eau qui se troubla aussitôt et prit une légère teinte d'opale qu'elle perdit ensuite peu à peu. « Mademoiselle, dit alors Nicole, le verre d'eau est fait, l'air plissé, la veilleuse allumée. Vous savez qu'il faut que je me lève de bon matin, puis-je aller me coucher maintenant ?»« Oui, répondit distraitement André. » Nicole fit la révérence, poussa un dernier soupir, qui fut perdu comme les autres, et poussa derrière elle la porte vitrée donnant sur la petite antichambre. Mais, au lieu de rentrer chez elle, dans la petite cellule contiguë, on le sait, au corridor, et éclairée sur l'antichambre d'André, elle s'enfuit légèrement, laissant pousser contre le chambran la porte du corridor, de façon à ce que les instructions de Richelieu fussent parfaitement suivies. Puis, pour ne pas éveiller l'attention des voisins, elle descendit l'escalier conduisant au jardin, sur la pointe de ses petits pieds, bondit au-delà du perron et s'en alla tout courant rejoindre M. de Beaucire à la grille. Gilbert n'avait point quitté son observatoire. Il avait entendu dire à Nicole qu'elle reviendrait dans 2 heures. Il attendait. Cependant, comme l'heure était passée depuis 10 minutes à peu près, il commença à craindre qu'elle ne revînt pas. Tout à coup, il l'aperçut courant comme si elle eût été poursuivie. Elle s'approcha de la grille, passa à travers les barreaux la clé à Beaucire. Beaucire ouvrit la porte, Nicole s'élança de l'autre côté, la grille se referma avec un lourd grincement. Puis la clé fut jetée dans les herbes du fossé, juste au-dessous de l'endroit où était Gilbert. Le jeune homme l'entendit tomber avec un bruit mat et remarqua la place où elle était tombée. Nicole et Beaucire gagnaient du terrain pendant ce temps-là. Gilbert les écoutait s'éloigner, et bientôt il perçut, non pas le bruit d'un carrosse, comme l'avait demandé Nicole, mais le piétinement d'un cheval qui, après quelques moments sans doute donnés aux récriminations de Nicole, qui eût voulu sortir en carrosse comme une duchesse, battit la terre de ses 4 pieds ferrés qui bientôt retentirent sur le pavé de la route. Gilbert respira. Gilbert était libre. Gilbert était débarrassé de Nicole, c'est-à-dire de son ennemi. André restait seul. Peut-être, en s'en allant, Nicole avait-elle laissé la clé à la porte. Peut-être lui, Gilbert, pourrait-il pénétrer jusqu'à André ? Cette idée fit bondir le bouillant jeune homme avec toutes les fureurs de la crainte et de l'incertitude, de la curiosité et du désir. Et suivant en sens inverse le chemin que venait de faire Nicole, il prit sa course vers le pavillon des communs.